France Inter. Bonjour François Morel. Bonjour Ali. C'est à vous. L'autre jour, j'écoutais France Inter. Ça m'arrive, c'était des informations. On a entendu un reportage de la plus brûlante urgence sur le voisinage d'Olivier Duhamel. Des voisins qui, en gros, disaient « il est pas spécialement aimable, il dit pas bonjour ». Moi, c'est pareil, j'ai un voisin qui dit pas spécialement bonjour. Jusque-là, j'ai jamais pu le dire publiquement, car il semblerait qu'il n'ait encore jamais trempé dans aucune affaire de mœurs. Mais j'attends mon heure. Si l'occasion se présente, j'aime autant vous dire que je saurai quoi répondre au journaliste qui viendra m'interroger. Lui, il a torturé ses enfants, violé son chien, battu sa femme, ça m'étonne pas. Il disait jamais bonjour. Qu'est-ce qui différencie le service public d'une chaîne commerciale? C'est sûrement la capacité à savoir hiérarchiser l'information. Le sens de l'urgence. Des fois, franchement, on s'embête à expédier des grands reporters en Syrie, en Ukraine, ça coûte cher. Les journalistes sont obligés d'obtenir des attestations parce qu'ils ne sont pas forcément rentrés à la maison avant 18h, alors qu'il suffit qu'ils aillent dans le 5e arrondissement afin d'interroger les voisins d'Olivier Duhamel et pouvoir ainsi apporter de toute urgence leur pierre au grand débat né du livre de Camille Kouchner. Aux Parisiens également, ils ont leur envoyé spéciaux. Ça permet d'apprendre plein de choses instructives. Olivier Duhamel, en ce moment, aurait l'air tristouné. Parfois, on l'aperçoit dans son quartier en train de promener son chien. Son chien est un cavalier King Charles Spaniel. J'ai moi-même fait des recherches. Le King Charles Spaniel est un petit chien d'agrément et d'origine anglaise. Il est sociable, il dit bonjour à tout le monde. Toujours de bonne humeur, il est très fidèle. C'est une qualité qu'Olivier Duhamel doit apprécier en ce moment. J'ai moi-même rencontré le chien d'Olivier Duhamel qui, quelques instants, est échappé à la surveillance de son maître dans le square Daniel Mitterrand. Je lui ai demandé quel était l'état d'esprit d'Olivier Duhamel. Voici sa réponse. Je lui ai demandé également comment lui, personnellement, vivait ce drame familial et s'il avait remarqué un changement de comportement de son maître vis-à-vis de lui. La réponse du King Charles qui ne mâchait pas ses mots mais une babale en plastique. Une intervention qui, je crois, se passe de commentaires. Dans M, le magazine du Monde, samedi dernier, il y a eu aussi un reportage captivant, de toute urgence aussi, sur 6 pages et sur Sanary-sur-Mer, pour dire que la famille se mêlait peu à la vie de la ville. Si par hasard on avait aperçu Olivier Duhamel l'été dernier dans le PMU du port en train de gratter un blackjack, ça aurait sûrement fait l'objet d'un numéro spécial. Ce que ces reportages disent des relations toxiques entre adultes et enfants, de la pédophilie, en revanche, ce qu'ils disent du lynchage, de l'esprit de meute et de cette volonté dégoûtante de vouloir toujours mettre sa propre vertu en avant. Afin de ne pas me mêler au hurlement des loups déguisés en vertueux lyncheurs, je laisserai la parole au King Charles Spaniel qui, mieux que moi, saura conclure cette chronique. France Inter.